Le Parti communiste de la nouvelle Yougoslavie de Serbie a inséré dans son empage un écrit sur le socialisme coréen original axé sur les masses populaires, matérialisation des idées du Tutsé. L'auteur souligne que le socialisme coréen se développe au fil des jours grâce à la politique de primauté, de respect et d'amour du peuple menée par le dirigeant suprême Kim Jong-un, continuateur de l'idée du président Kim Il-sung, fondateur de la Corée socialiste, et de son excellence M. Kim Jong-il, leader éternel du Parti du Travail de Corée, qui ont considéré le peuple comme leur dieu.